السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد نقول وإلى صلاة قبل لكيد السلو سين صدقة de la personne connue par Allah subhanahu wa ta'ala et ces cahiers sont destinés à ceux qui assistent au cours et ma'adha qui veulent noter na'am ceux qui assistent au cours et qui veulent noter prenez un cahier hein. Ceux qui ont besoin d'un stylo ils prennent également un stylo wa nas'alullaha subhanahu wa ta'ala akram al-akramin an yuthiba alladhi tasaddaqa bihadha khayran. نواصل قراءة رسالة العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى وبالأمس ذكرنا أسباب قسوة القلوب يخفى على غاز الله سبحانه وتعالى nous sommes rappelés nous avons appris ensemble les causes ou bien des causes de la dureté du cœur. L'auteur rahimahullah ta'ala avait cité kathratul kalam bi ghayri dhikrillah, le fait de beaucoup parler sans évoquer Allah. Deuxièmement kathratul dhahik ou bien avant ça naqdul ahdi ma Allah, le fait de violer l'engagement pris avec Allah. Le troisième point kathratul dhahik, le fait de beaucoup rire. Le quatrième point kathratul akl, le fait de beaucoup manger. Et nous allons entrer, incha'Allah ta'ala, aujourd'hui dans le cinquième point, qui est une des causes les plus graves, kathratu dhunub, la multiplication des péchés, le fait de commettre beaucoup de péchés. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومنها كثرة الذنوب قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Le dernier point cité par l'auteur rahimahullah ta'ala concernant les causes de la dureté du cœur, le fait de faire beaucoup de péchés, le fait de commettre beaucoup de péchés. Il cite pour preuve le verset 14 de Sourate Al-Mutaffifin. Le verset 14 de Sourate, les fraudeurs. Dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun » Ar-ran, c'est un voile que l'on met sur le cœur de la personne qui n'a cessé de commettre des péchés, qui a fait un péché, puis un autre, puis un autre, puis un autre, sans se repentir. C'est ce qu'on appelle Ar-Ran. Et la traduction du verset, pas du tout, mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur. On a couvert leur cœur de par ce qu'ils faisaient, à cause de ce qu'ils faisaient. فمن أعظم أسباب قسوة القلب كثرة الذنوب والإصرار على المعاصي بدون توبة ولا استغفار. Donc parmi les plus grandes causes qui amènent la dureté du cœur, le fait de faire de nombreux péchés sans s'en repentir ni demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. وقد فتح الله سبحانه وتعالى لعباده باب التوبة. Et Allah tabaraka wa ta'ala, de par sa grande miséricorde et sa bonté envers ses serviteurs, a ouvert la porte du repentir. A ouvert la porte du repentir. Et celle-ci ne se refermera que lorsque le soleil se lèvera de l'autre côté, comme cela est affirmé dans plusieurs hadiths. Dans le Coran, on nous appelle à revenir vers Allah Azza wa Jalla, à délaisser le péché. قال الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذي أو قبل ذلك وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون Et repentez-vous tous à Allah, ô vous les croyants, afin de récolter le succès. Allah Azza wa Jalla nous appelle au délaissement des péchés. Dans un autre verset, il nous appelle à ne jamais désespérer de sa miséricorde, quels que soient les péchés commis. قال جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم Dites-vous mes serviteurs qui avez commis de nombreux excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car certes Allah pardonne tous les péchés, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Wa fi al-hadith al-qudusi يقول الله سبحانه وتعالى يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم Et dans le hadith Atem divin, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, donc selon la traduction, ô vous mes serviteurs, vous commettez des fautes, des péchés de jour comme de nuit, et je suis celui qui pardonne tous les péchés. Demandez-moi donc pardon et je vous pardonnerai. Et celui qui médite ces textes verra la douceur d'Allah Azza wa Jal, son pardon et sa miséricorde. Il se fait aimer de ses serviteurs. Il nous fait pencher vers lui. Il fait en sorte que nous découvrions de sa miséricorde, de sa bonté et de ce qu'il a préparé à ceux qui vont se repentir. Alors qu'Allah Azza wa Jal, غَنِيٌ عَنْ تَوْبَتِنَا وَعَنْ أَعْمَالِنَا كُلِّهَا Alors qu'Allah se passe largement de nos actions, il n'est aucunement dans le besoin ni de notre repentir, ni de notre obéissance, ni de nos prières, et ainsi de suite. Malgré cela, Allah Azza wa Jalla t'appelle, parce qu'Allah Azza wa Jalla se réjouit du repentir de son serviteur. Allah Azza wa Jalla yafrahu bi tawbatik. Allah Azza wa Jalla se réjouit de ton repentir, non pas parce qu'il en a besoin, mais comme l'a expliqué Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, car si Allah veut, il te châtie, et s'il veut, il te pardonne. Et il préfère te pardonner que de te châtier. Naam. Dans l'autre hadith, Kullu bani Adam khatta wa khayrul khatta'in at-tawwabun, tout fils de Adam est pécheur et le meilleur de ceux qui tombent dans la faute sont ceux qui se repentent. Donc le péché, naam, tu peux en éviter au maximum, mais d'être exempté de péché, cela n'est pas donné sauf à ceux à qui Allah Azza wa Jalla a accordé cela, comme les prophètes. Naam, alayhi salatu wa salam. Toi, tu n'es pas ma'soum. Donc forcément, tu tomberas dans la faute. Ton obligation est d'endurer devant la faute. Puis lorsque tu commets la faute, ton obligation est de revenir vers Allah Azza wa Jal. Naam. Donc tu dois te montrer endurant. Et lorsque tu tombes dans la faute, tu dois te montrer repentant. Et la chose la plus importante après avoir compris cela, c'est Adam al-Isra' al-Zamb. Yani, tu as su que le péché était grave, qu'Allah pardonnait les péchés et que tu ne peux pas être parfait et jamais commettre de péché. Donc quelle est la chose dans laquelle il ne faut pas tomber? C'est le fait de se complaire dans le péché, de rester dans le péché, et de le voir comme par exemple une fatalité. Là, ne reste pas dans le péché. Cela sera pire que le péché en lui-même, le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah et de ne pas s'en sortir. قال الله سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون آية عظيمة جدا. Un verset des plus immenses dans ce sujet. Ceux qui lorsqu'ils commettent une turpitude ou une injustice contre eux-mêmes se rappellent d'Allah, lui demandent donc pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés en dehors d'Allah? Et ils ne restent pas dans la désobéissance, alors qu'ils savent. Puis l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous cite un hadith. قال وفي المسند quel recueil de hadith entendent les muhaddithoun, les savants du hadith, lorsqu'ils disent va fil musnad ala al-itlaq hakada, de manière absolue comme ça? Le recueil de l'imam Ahmed. Il y a plusieurs masad, mais lorsqu'on dit fil musnad, en général c'est le musnad de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. Quand on dit le musnad, c'est un livre de hadith qui n'est pas classé, comme on a l'habitude de le voir dans Sahih Bukhari et dans d'autres livres, par chapitre. Mais c'est classé comment? C'est-à-dire par rapporteur. Par exemple, on dit le musnad de Abu Huraira. On va mettre tous les hadiths d'Abu Huraira. Le musnad de Antel, le musnad de Antel. Mafoum? Ça, c'est un musnad. Ça, c'est un musnad. Et parmi les contemporains, les grands savants, yéménites, rahmatullahi alayhi wa rahmatullahi ala ulama ina jami'an, il y a quel savant qui a écrit un musnad? Un livre magnifique. Al-Allama Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, rahimahullahu ta'ala, il a écrit Sahih al-Musnad, mimma laysa fi sahihayn. Naam, Sahih al-Musnad, al-Musnad al-Sahih, donc c'est un livre, c'est un musnad, par rapporteur, classé par rapporteur. Ces ahadiths-là sont des ahadiths authentiques qui conviendraient à Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, mais qu'eux n'ont pas rapporté. Wadih? Mais qu'eux n'ont pas rapporté. Il les a réunis et il les a mis dans un. Naam. Et il y a Sahih Musnad et on en a fait aussi un, yani Sahih al-Jami', de Mada par, aussi par chapitre. Naam, c'est un excellent livre, celui qui peut l'acheter. Pour les arabophones, il vous sera, inch'Allah ta'ala, très profitable. Et rappelez-moi, Mada, de faire la biographie de ce grand imam qui a un fadl sur nous. Jazakallahu khayra. Donc l'auteur rahimahullah ta'ala dit fi al-musnad wa at-tirmidhi 'an Abi Hurayrah radiyallahu anhu 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala inna al-mu'mina idha aznaba kanat nuktatun sawda fi qalbi فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه وإن زاد زادت حتى يعلو قلبه فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون قال الترمذي صحيح. الأوتار رحمه الله تعالى سيت له حديث أبو هريرة dans lequel le prophète صلى الله عليه وسلم dit: certes, lorsque le croyant commet un péché, on lui met un point noir sur le cœur. Lorsque le croyant fait un péché, on lui met un point noir sur le cœur. Ou bien ça cause un point noir sur le cœur. فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ, s'il se repent et arrête, وَاسْتَغْفَرَ, et demande pardon, c'est-à-dire à Allah, وَمَاذَا سُقِلَ قَلْبُ, à ce moment-là, son cœur sera purifié de ce point. C'est clair? Fa'in. Wa'in zada zadat. Et s'il ajoute, cela augmentera. C'est-à-dire, s'il ajoute des péchés, s'il continue à faire des péchés, cela augmentera. C'est-à-dire, la tache noire, les points noirs. C'est clair? Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: hatta ya'lwa qalbu, ou qalba, jusqu'à ce que cela prenne le dessus sur son cœur. C'est-à-dire que cette tâche va prendre de l'ampleur jusqu'à couvrir son cœur. Voici Ar-Ran, alladhi dhakara Allahu fi kitabi. Voici Ar-Ran qu'Allah a cité dans son livre, en faisant référence au verset de Surat al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Mais non, leur cœur ont été, yani ce voile a été mis sur leur cœur de par ce qu'ils faisaient. قال الترمذي صحيح. الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذيك الحديث était authentique. Et الإمام الألباني رحمه الله تعالى قائما. الشيخ مخبير رحمه الله تعالى également. Donc ça, ça amène la dureté du cœur. Ça amène la dureté du cœur. Le fait de commettre des péchés. Un péché, puis un deuxième, puis un troisième, sans regretter, sans arrêter, sans revenir vers Allah Azza wa Jalla, sans se repentir. Jusqu'à ce que le cœur ait un voile. Lorsque le cœur a ce voile, na'am, dû à cette noirceur, il ne reçoit plus de la même manière la lumière, les bonnes choses, la guidée, la science. Il ne tire plus profit de l'exhortation, du rappel. Na'am, son cœur est endommagé, il tombe malade, il peut mourir. Mais il peut mourir telle la terre devient morte. Allah Azza wa Jalla l'a fait revivre avec la pluie. Na'am. Et ça, c'est la deuxième partie, ou la troisième partie du cours, les remèdes. Donc, le serviteur doit craindre Allah Azza wa Jalla et ne pas se complaire dans les péchés. Imaginez une personne qui porte un vêtement, un qamis blanc. Na'am. En un jour, on lui a mis 10 marques sur son qamis noir, ou 10 points. Na'am. La taille du vêtement, pas comparable avec la taille du cœur, sahih. À chaque fois qu'il fait un péché, on lui met un point sur le qalb. Là, on va prendre un vêtement d'un adulte. Si on lui met 10 points sur un qamis, aujourd'hui, on est vendredi, 8-10 points demain, na'am, samedi, puis dimanche, puis en une semaine, dans quel état sera ce qamis? Hein? Ça va se voir, ce sera sale, est-ce qu'il ne sera pas gêné de sortir comme ça devant les gens? Ou non? Na'am. Une personne porte un vêtement, peut-être deux jours, elle est gênée. Et soit de par l'odeur ou de par la mada, les saletés qui ont touché son vêtement, particulièrement le vêtement. Que dire alors du qalb? Que dire alors du cœur? Et il se peut que la personne ne puisse même pas dénombrer ses péchés. Qui d'entre nous serait, yani, aurait la capacité de dénombrer les péchés qu'il a fait dans le mois ou dans l'année? Na'am. C'est pour cela qu'un des pieux prédécesseurs a fait ses comptes. Na'am. Il a su l'âge qu'il avait. Puis il a fait un calcul, une multiplication, en se disant s'il a commis un seul péché par jour, et il a fait le calcul. Il s'est évanoui. Na'am. Il s'est évanoui. Ça, c'est dans le cas où il aurait fait un péché par jour. Et qui peut prétendre à cela? Qui peut prétendre à cela? Commettre un seul péché par jour. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wa at-tawbatu laha shurut hatta tuqbal 'inda Allah subhanahu wa ta'ala wa takuna nasuhan. Et le repentir a des conditions afin qu'il soit accepté chez Allah subhanahu wa ta'ala et soit considéré comme étant sincère. Ash-shartul awwal al-iqla' 'an adh-dhanb. La première condition, c'est le fait d'arrêter le péché. S'il se repent en faisant le péché, il n'est pas considéré comme repenti. Na'am. Par exemple, il dit qu'il se repent de l'alcool, mais il est en train de boire de l'alcool, il dit qu'il se repent de l'alcool. Là. Na'am. Il m'a été rapporté qu'il fut dit aujourd'hui, na'am, que celui qui boit de l'alcool n'est pas musulman. Na'am. Hadha qawlul khawarij. Na'am. Ça, c'est la parole des khawarij. Wa hiya kalimatun batila, c'est une parole qui est fausse, c'est erroné. Na'am. Sharibul khamr fasiqun milli. C'est un pervers faisant partie de la voie de l'islam. S'il meurt sur cela sans s'être repenti, fa huwa tahta mashi'atillah, in sha'a 'adhaba wa in sha'a ghafara lahu. Thumma ma'aluhu ila al-jannah. Fa innal muwahhidin la yukhalladuna fi an-nar. Na'am, celui qui meurt sur un grand péché sans s'en être repenti est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il lui pardonne et le met au paradis directement. Et s'il veut, le châtie un temps déterminé, puis le sort de l'enfer pour le mettre au paradis. قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé que ce soit. En dessous de cela, il pardonne à qui? واضح. Donc, le grand péché, en dehors de ce qui fait partie des anéantissements de l'islam, ne fait pas sortir la personne de l'islam. Subhanallah. Parole, c'est une faute très grave. Na'am. Son auteur doit se corriger sans repentir. Et Inch'Allah ta'ala, c'est le bien qu'on pense de lui lorsqu'il recevra ce conseil. Amma al-kalima fa tusahhah. Quant à la parole, na'am, on la corrige. Sans avoir même conseillé la personne. Si une parole se propage et qu'elle est fausse, na'am, il est du devoir de celui qui sait de corriger cette parole au regard de des gens de la communauté. Puis, il y a un deuxième volet, c'est ta relation avec celui qui a dit cette parole-là. Et le jugement qu'on lui a attribué, ainsi de suite, ça c'est un autre sujet. Allah musta'an. Donc la première condition, le fait de délaisser le péché. La deuxième condition, c'est un nadam, c'est le regret. Le fait de regretter. Celui qui arrête le péché, mais il dit que c'était bien, na'am, il aime cette chose-là, mais malgré le péché, il n'a pas d'aversion contre ce qu'il faisait. Au contraire, il voit que c'était un bien, il regrette. Il a arrêté peut-être parce qu'il ne veut plus de ce péché, peut-être parce que. Ou il n'a plus la capacité de le faire. Na'am. Celui-ci, même s'il ne fait plus le péché, il ne s'est pas repenti. Il faut un nadam, il faut qu'il regrette, car il était dans la désobéissance d'Allah Azza wa Jal, car il était ingrat, il utilisait les bienfaits d'Allah dans sa désobéissance. Na'am. Et le Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, nous dit parmi ceux qui vont le plus crier au mal-qiyam de douleur, ceux qui ont utilisé les bienfaits d'Allah dans sa désobéissance. Na'am. قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم التوبة ومن تاب كمن لا ذنب له. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit le regret c'est un repentir. Et celui qui se repent, na'am, sera considéré comme n'ayant jamais péché. C'est comme celui qui n'a pas commis de péché. Voici la deuxième condition. La troisième condition, c'est العزم على عدم العودة إلى الذنب. C'est être déterminé dans le fait de ne plus jamais refaire ce péché. Est-ce que c'est une condition de plus jamais tomber dans le péché dans le futur? Non. Mais au moment où il se repent, il doit avoir la ferme intention de ne pas refaire ce péché. Naam. Il doit avoir la ferme intention de ne pas refaire ce péché. S'il se dit, j'arrête, il a l'intention de le refaire demain ou dans un mois, ou il ne s'est pas repenti. Il ne s'est pas repenti. C'est ce qu'a dit l'imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dans le sharh de Riyad Salih, il nous dit, en méditant on peut ajouter deux conditions. En méditant on peut ajouter deux conditions à ces trois conditions. La première est l'ikhlas, la sincérité. C'est qu'il fait ça pour Allah, pas pour éviter quelque chose. Il fait ça pour Allah, pour se soumettre à Allah, à la recherche de l'agrément d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Na'am. Et la dernière, il dit, le fait de faire le repentir dans le temps où il est encore accepté. Et ce temps-là est de deux sortes. Le temps général, c'est-à-dire qui concerne tout le monde, et le temps particulier, c'est-à-dire il concerne chaque personne tout particulièrement. Le temps général, c'est jusqu'à ce que le soleil se lève de l'autre côté. Na'am. Jusqu'à ce que le soleil se lève de l'autre côté. C'est un des derniers grands signes de la fin des temps, la fin du monde. Et lorsque le soleil va se lever de l'autre côté, la porte du repentir sera refermée et Allah Azza wa Jal n'acceptera plus le repentir. À ce moment-là, tout le monde va croire. Tout le monde va croire. C'est un signe tellement évident que tout le monde va croire. Il y a un autre temps, c'est le temps particulier, qui concerne chaque personne tout particulièrement. C'est quoi? C'est jusqu'à ce qu'elle arrive à l'agonie, jusqu'à ce que son âme atteigne cet endroit-là. À ce moment-là, le repentir d'un tel n'est plus accepté. Comme qui, par exemple, dans l'histoire, et c'était dans le Coran, Naam, Fir'aun. Naam, Fir'aun. Donc la personne qui est dans les péchés, puis sur son lit de mort, elle ne se repent pas, puis dans ses derniers instants, elle ne se repent pas. Et lorsque son âme est en train de sortir, elle dit « Je me repens ». Est-ce qu'Allah Azza wa Jalla accepte cela d'elle? Non. Quant à celui qui est en train de mourir, tant qu'il n'est pas arrivé à l'agonie, son âme n'est pas en train de sortir, Allah Azza wa Jalla accepte de lui. Na'am. Wa min dhalika qissatul yahudi ma dha alladhi zarahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam 'adahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa qala lahu ماذا؟ قل لا إله إلا الله. فنظر إلى أبيه فقال له أطيع أبا القاسم، نعم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فرحا مستبشرا يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. Et par exemple, l'histoire du juif qui était malade, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a visité. Il l'a visité et il l'a appelé à l'islam. Il lui a dit, dis la ilaha illallah. Ce juif a regardé son père comme pour lui demander conseil. Son père lui a dit, obéis à Abul Qasim. C'est la kunya du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un fils qu'il a eu et qui est décédé. Puis il a dit à shahada. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti en se réjouissant. Et il a dit, loué soit Allah, celui qui l'a sauvé par ma cause de l'enfer. Donc il n'a fait aucune action. Non, il n'a fait aucune action. Il n'a pas fait salat, il n'a pas fait kada wa kada wa la kada. Mais, aslam. Non, il a prononcé kalimatu tawhid. Il est décédé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'il a été sauvé de l'enfer. Donc ne confondez pas l'agonie et celui qui est sur son lit de mort. Non, l'agonie et celui qui est sur son lit de mort. C'est différent. Voici donc les cinq conditions pour que le groupe entier soit sincère et accepté chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui est dans un combat avec le shaitan, il ne doit pas abandonner. Na'am. Par un moment, shaitan le bat, il tombe dans le péché. Par un moment, c'est lui qui bat shaitan, il se repent, il reste fort, il patiente, il endure. Un an après, il tombe dans un péché. Mais il revient vers Allah azza wa jalla encore. Puis il observe la droiture, un an, deux ans, trois ans, dix ans, il tombe dans un péché, il tombe dans le péché, il revient vers Allah, et sans cesse, il revient vers Allah, il yastaghfir, yad'u Allah, il demande à Allah de le sauver, il s'éloigne des causes, il fréquente les gens pieux, il expose son problème à une personne de science, de noble conseil, wa hakadha, na'am, il ne désespère pas, il ne désespère jamais. Lorsque la personne ne cesse d'être dans le péché, il y a donc ce voile qui vient sur son cœur. Ça va obstruer le bien et ça ne lui permettra pas d'atteindre son cœur. Donc lui, il ne tirera plus profit du bien, des exhortations, de la science et ainsi de suite. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit « Al-dhanbu yahjibu al-wasila wa yaqta'u al-sa'ira » وينكس الطالب فالقلب إنما يسير إلى الله بقوته فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوة التي تسيره فالذنب إنما يميت القلب أو عفوا فالذنب إما يميت القلب أو يمرضه مرضا مخوفا أو يضعف قوته ولا بد. ابن القيم رحمه الله تعالى ندي le péché met un voile, na'am, met un voile et obstrue ce qui veut pénétrer et aller dans son cœur. Ça ralentit ton chemin, ta marche, na'am. Et le cœur, certes, avance et se déplace, ou plutôt la personne avance vers Allah et se déplace par sa force, c'est-à-dire la force du qalb, du cœur. En faisant le péché, soit le péché, yani il dit en faisant le péché va freiner son déplacement vers Allah. Na'am. Et cette force qui lui permettait d'avancer. Puis il nous dit, c'est la phrase que je voulais vous dire, فَذَّنْبُ إِمَّا أَنْ يُمِيتَ الْقَلْبِ. Le péché, soit il tue le cœur. Na'am. Il assassine le cœur. C'est-à-dire, il tombe dans un péché, il lui est fatal. Son cœur meurt. Im au yumridahu maradan makhufan, ou il le fait tomber malade, une maladie, on craint pour lui le pire. Au yud'ifa quwwatahu, voilà, ou il va affaiblir sa force et cela est inéluctable. Donc soit son cœur meurt, soit son cœur tombe gravement malade, soit son cœur est affaibli. Et le corps suit cela. Puis, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit, « Qala ba'du salaf » Certains plus prédécesseurs ont dit, « Al-badanu idha ari raqqa » Le corps, lorsqu'il est dévêtu, il est nu, il est sensible. « Wa kadhalika al-qalb » Et c'est pareil pour le cœur. « Idha qallat khataya asra'at dam'atu » Et c'est pareil pour le cœur. Lorsqu'il fait peu de péchés, ses larmes tombent rapidement. Il est sensible, il a un cœur doux. Donc il réagit à l'exhortation, à la lecture du Coran, aux bonnes actions et ainsi de suite. Wa fi hadha al-ma'na yaqul Ibn al-Mubarak rahimahullah. Et dans le même sens, Ibn al-Mubarak rahimahullah, un des meilleurs parmi les plus prédécesseurs, dit: Ra'aytu adh-dhunuba tumitu al-quluba wa yurithu kadh-dhulla idmanuha wa tarku adh-dhunubi hayatu al-qulubi wa khayrun li nafsika 'isyanuha. Ah, c'est une partie d'un passage d'un poème. J'ai vu que les péchés faisaient mourir les cœurs. Et de rester constamment dans le péché amène l'humiliation. Amène l'humiliation. La deuxième partie, il y a dans le délaissement des péchés la vie des cœurs. Et le délaissement des péchés apporte la vie des cœurs, et c'est meilleur pour toi de lui désobéir. C'est-à-dire ton nefs qui t'appelle au péché, c'est meilleur pour toi de lui désobéir. Donc al-isra ala al-dhanb, donc le fait de rester dans le péché, ça peut amener la mort du cœur. Ça peut amener la mort du cœur. Et avec cela, il y a une humiliation. Il y a une humiliation dans le cœur, un avilissement. Il y a une humiliation sur le visage de la personne. Il y a une humiliation dans le corps et qui est apparente, intérieure et extérieure. Ceci est dans le Coran, dans la Sunna et même dans la parole de certains parmi les pieux prédécesseurs. قال الله سبحانه وتعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله سبحانه وتعالى dans un verset nous enseigne que ceux qui ont commis des péchés recevront la rétribution semblable de ce qu'ils faisaient. Ils ont fait un mal, ils vont recevoir un mal en échange. Et en plus de cela, ils seront touchés par une humiliation. Donc le péché, il leur amène un mal. Plusieurs mal. Et en plus de cela, c'est suivi d'une, ou c'est accompagné d'une humiliation. Vous regarderez la traduction, inshallah, du verset. Ibn Abbas radiallahu anhuma disait: Inna al-ma'asiyya sawadun fil wajh wa zulmatun fil qalb wa da'fun fil badan wa dhiqun fil rizq wa bughdan fi qulubil ibad. Ibn Abbas radiallahu anhuma disait: certes, le péché, c'est une noirceur sur le visage, les ténèbres dans le cœur, la faiblesse dans le corps, je deviens faible, une diminution de la subsistance, des formes des portes de baraka, et de l'inimitié dans le cœur des serviteurs. Les gens vont te détester, même s'ils ne t'ont pas vu faire le péché. Ça va mettre des fitaines. Naam. Donc ça, c'est une partie des effets des péchés. Celui qui veut lire dans cela, après le Coran et la Sunna, qu'il lise Al-Jawab al-Kafi liman sa'ala an ad-dawa al-Shafi, la réponse suffisante à celui qui a demandé le remède suffisant. Il a appelé ad-dawa, la maladie et son remède. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il est même traduit maintenant. Na'am. Il cite les effets des péchés. Na'am. Et c'est une lecture qu'on aura, inshallah ta'ala, dans le futur. Inshallah ta'ala. Donc on comprend de ces vers de poésie que le péché, c'est une cause qui amène la dureté du cœur et pire encore, comme l'humiliation na'am, et que celui qui espère et aspire à la vie du corps et du cœur, ben, la meilleure chose à faire, c'est de se repentir et de délaisser les péchés. Celui qui va avoir le goût du Coran, des adorations, Maza, Halawat al-Iman, le goût de la foi et son délice, Ta'am al-Iman, il lui faut délaisser les péchés. C'est dans cela qu'il aura la vie, Maza, la vie du cœur. Si tu veux que ton cœur se dirige rapidement vers Allah, qu'il soit vivant, qu'il ait le goût de l'adoration quand tu fais une adoration, ton cœur se remplit de joie. Quand tu délaisses un péché, ton cœur se remplit de joie. Quand tu appelles à une adoration, tu accours, na'am, tu concurrences les gens dans l'adoration, dans le bien, tu vis, tu es heureux, tu vis une vie heureuse dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, si tu veux goûter à tout cela, ou si tu as perdu tout cela, tu veux retrouver tout cela, il te faut quoi? Délaisser le péché. Le shaytan te fait croire qu'en restant dans le péché, il y a ton remède. Na'am. Mais en réalité, c'est en délaissant ce péché que tu auras le remède et la vraie vie du cœur. Si dans la désobéissance, tu prenais un semblant de plaisir, imagine dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, celui qui détient le bonheur auprès de lui. Na'am. Et une bonne opinion d'Allah Azza wa Jal, il va t'accorder vraiment le bonheur. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Celui qui fait de bonnes actions, qu'il soit un croyant, une croyante, ou bien tout en étant croyant, une croyante, soit un homme, une femme, soit en étant croyant ou croyante, nous lui ferons vivre une bonne vie. Le bonheur, il est dans ça. Al-Iman wal-Amal al-Salih. Al-Iman wal-Amal al-Salih. Wa khayrun li nafsika isyanuha. An-Nafs, ton nafs t'appelle au mal. Inna an-Nafs la-ammaratun bis-su. Certes, l'âme est incitatrice au mal. Ça, c'est une partie des âmes. Le mieux pour toi, c'est de lui désobéir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Huffat al-nar bi-shahawat wa huffat al-janna bi-al-makari. Na'am, ou la phrase inversée. Na'am. Huffat al-janna bi-al-makari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Maza. Le paradis a été entouré des choses qui sont détestables. C'est-à-dire que le nefs n'aime pas trop, ça lui convient pas trop, se lever tôt, dormir peu, ne pas manger, na'am, délaisser ses plaisirs. Et l'enfer a été entouré des passions, na'am, de ce vers quoi penche le nefs, de ce vers quoi penche le nefs. Et lorsqu'Allah Azza wa Jalla a créé le paradis, il a envoyé Jibril alayhi salam pour qu'il aille voir le paradis. Jibril a dit, personne n'entendra parler de cette demeure sans qu'il n'y entre. Puis Allah Azza wa Jal a créé l'enfer, ou bien a envoyé Jibril voir l'enfer après l'avoir créé, et il lui a dit, regarde. Jibril a dit, personne n'entendra parler de cette demeure sans qu'il la fuit. Puis Allah Azza wa Jal a entouré le paradis d'ordre et d'interdit, na'am, des preuves, et a entouré l'enfer des shahawat, des passions. Lorsque Jibril a revu l'enfer et les causes qu'il faut faire pour y entrer, ou plutôt le paradis et les causes qu'il faut faire pour y entrer, il a dit, j'ai bien eu peur que personne n'y entre. Et quand il a vu l'enfer, il a dit, j'ai bien eu peur que tout le monde y entre. Ok, maqal al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc la personne, elle doit combattre son obstacle. Elle ne doit pas se soumettre et s'humilier au shaitan. Lorsque tu te laisses dans les péchés, et alors que tu prétends détester le shaitan et le prendre comme ennemi, ben sache que tu es son allié. Tu es soumis à lui. Et il te dirige. Et il te maîtrise. Na'am. Et ajoute à cela que tu as désobéi Allah Azza wa Jal. Qui a maudit Iblis par ta cause et la cause de tes ancêtres. Toi, tu t'allies avec le shaitan pour désobéir Allah Azza wa Jal, alors qu'Allah Azza wa Jal s'est mis en colère pour toi contre le shaitan. Comment ça? Le shaitan, Iblis, vivait avec qui? Il était élevé au rang de qui? Al malaika. Na'am. Lorsqu'il a refusé de se prosterner devant Adam, ton père, alayhi salam, Allah Azza wa Jal l'a exclu, l'a maudit et l'a viré. Et toi, par la suite, tu vas t'allier avec le shaitan? Na'am. Allah yaghfira lana. L'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, nous dit « Ijtinabu al-ma'asi wa tarku ma la ya'nik yunawwiru al-qalb » L'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, nous dit « Le fait de s'éloigner des péchés et de délaisser ce qui ne te regarde pas, na'am, amène, la, yani, illumine le cœur. » Illumine le cœur. Délaisser les péchés et ne pas rentrer sa tête dans ce qui ne nous regarde pas, ça illumine le cœur. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit inna al-'abd la yazal yartakibu adh-dhunuba hatta tahuna 'alayhi wa tasghur fi qalbi wa dhalika 'alamatu al-halak fa inna adh-dhanba kullama saghura fi 'ayni al-'abd 'azma 'inda Allah. Écoutez cette parole et notez-la. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit Inna al-abd, certes le serviteur, la yazalu yartakibu adh-dhunuba, certes le serviteur ne cesse de commettre les péchés, hatta tahuna alayhi, jusqu'à ce qu'il les minimise. Il les méprise. C'est-à-dire, il les voit petits, c'est pas grave. Voilà. Jusqu'à ce qu'il les minimise. Watasrur. Donc, jusqu'à ce qu'il ne les considère, plus comme étant graves et devienne petit dans son cœur. Wadhalika alamatul halak. Et ceci est le signe annonciateur de sa perte, de son anéantissement. Tu vois le serviteur faire des péchés, na'am, et il voit que c'est pas grave, et pour lui c'est petit, et c'est pas grave. Et il reste dans ça, au point où dans son cœur c'est petit, dans sa vue et son cœur ça devient petit. Ben ça, c'est le signe de l'anéantissement. Puis il dit, rahimahullah, « Fa inna dhamba » car certes le péché. « Kullama saghura fi ayni al-abd » plus il est vu petit dans le regard du serviteur, « Azuma indallah » plus il devient immense chez Allah. Plus il devient immense chez, ou bien auprès d'Allah. Na'am. Et parmi les hadiths dans ce sens, عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم. Le hadith de Thawban, dans le recueil d'Ibn Majah, l'imam Al-Bani dit qu'il est authentique, rahimahumullah. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. ثوبان رضي الله عنه ندي que le prophète صلى الله عليه وسلم dit: je connais certes des gens de ma communauté qui viendront le jour de la résurrection avec des bonnes actions semblables à la montagne de Tihama, blanche. C'est pas baydan, c'est bidan. فيجعلها الله فيجعل فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. Et Allah fera devenir tout cela poussière éparpillée. Ils vont venir avec des montagnes de hasanat. Ils font partie de la communauté. Allah Azza wa Jal, le jour de la résurrection, va faire devenir tout cela poussière éparpillée et dispersée. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, puis Thawban a dit, Ya Rasulallah, sifhum lana, jallihim lana. لن ماذا أن لا نكون منهم ولا ونحن لا نعلم. ثوبان رضي الله عنه a eu quelle réaction? La réaction des pieux prédécesseurs. Demander pour appliquer, demander pour s'éloigner. L'ilm amal. Pas comme certains d'entre nous. Allah nous pardonne et nous réforme. Allahu musta'an. Ô messager d'Allah, décris-les-nous. Décris-les-nous de peur d'en faire partie alors qu'on l'ignore. Au message d'Allah, décris-nous qui sont ces gens-là, quelles sont leurs caractéristiques, afin de ne pas en faire partie sans le savoir. Et dans ça, il y a un grand adab dans Su'al, dans les questions. Pourquoi est-ce que tu poses une question? Non. Tu poses une question pour te rapprocher d'Allah. Demande sur ce qui t'est profitable. Demande sur ce qui te concerne toi. Demande sur ce qui va te faire entrer au paradis et éviter l'enfer. Ne parle pas pour parler. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu. Qal amma innahum ikhwanukum min jildatikum wa ya'khuduna min al-layl kama ta'khudun. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, alors, sache qu'ils sont vos frères parmi ceux qui ont la même peau que vous. Et ils prennent une partie de la nuit pour prier comme vous le faites. Ce sont des gens qui font qiyam al-layl. Mafhoum ? Ce sont des gens qui font qiyam al-layl. C'est-à-dire qu'en plus des prières, ils prient une partie de la nuit ou ils adorent une partie de la nuit Allah Azza wa Jal. Walakinnahum, mais walakinnahum aqwamun idha khalaw bimaharimillah intahakuha. Mais ce sont des gens qui, lorsqu'ils se retrouvent en privé devant les interdits d'Allah, ils les transgressent, ils les commettent. Allah al-Musta'an. Sur cela s'arrête l'auteur rahimahullah ta'ala concernant la deuxième partie de cette risala. Puis il passe à la suite en disant wa amma muzilatul qaswati fa muta'addidatun ayda. Donc la troisième partie concernant ceux qui dissipent la dureté, ces causes sont également multiples. C'est-à-dire, tout comme les causes de la dureté du cœur sont multiples, les causes qui amènent à la douceur du cœur et à guérir la dureté du cœur sont multiples. Et ça, ça fait partie du bon conseil des gens de science pour nous, les gens de la communauté. C'est qu'ils te parlent du problème, ils te citent les causes, mais aussi le remède. Lorsque tu dis à quelqu'un, ne fais pas ça, dis-lui, mais fais cela. Naam. Quand dans le dîn on te ferme une porte, on t'en ouvre plein. Tu n'as pas le droit de boire de l'alcool, mais je ne pourrais pas te dire un chiffre de ce que tu as le droit de boire. Tu n'as pas le droit de manger du porc, de la viande morte, des animaux qui ont des cerfs ou des crocs. Naam. mais tu as le droit de manger combien de sortes d'autres ماذا bête وهكذا. Et avant de citer ce que l'auteur a cité ici, comme kasratu dhikrillah, na'am, une petite introduction sur le remède du cœur. Au début, on avait cité l'introduction sur le cœur. Et on avait cité que les maladies du cœur reviennent à deux causes. Lesquelles ? Hein ? Na'am. Comment ? نعم الشبهات والشهوات les ambiguïtés qui viennent avec la mauvaise conception ou perception de la science بفساد العلم et الشهوات qui viennent avec les mauvaises actions فساد العمل d'accord فكما أن مرض القلب يرجع إلى الشبهات والشهوات أي فساد العلم وفساد العمل فعلاج القلب بالعلم النافع وبالعمل الصالح. Donc tout comme la maladie du cœur vient suite à la mauvaise connaissance et la mauvaise action, donc الشبهات والشهوات, de la même façon la guérison du cœur s'obtient avec la science utile et les actions pieuses. Avec la science utile qui contredira quoi ? Al-shubuhat, la mauvaise science, la mauvaise perception et conception des choses. Et avec les actions pieuses qui contredira quoi ? Fasadu al-amal al-shahawat. C'est clair ? Donc la grande base dans le remède du cœur, c'est ça. La science et la mise en pratique de la science. Et plusieurs versets, Naam, après avoir su cela, en les méditant, tu retrouveras ces deux bases pour la guérison du cœur. Par exemple, et c'est ce que nous enseigne Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dans Majmu' al-Fatawa, dans le Mujallad 13. Allah nous dit: قال الله يا الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. Ô vous les gens, il vous est venu une exhortation de la part de votre Seigneur et une guérison pour ce que contient les poitrines, c'est-à-dire les cœurs. Na'am, c'est-à-dire les cœurs. Ensuite, on nous dit wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Une guérison pour ce qu'il y a dans les poitrines. Ensuite, on nous dit quoi ? On nous dit quoi ? Wa hudan, une guidée. C'est quoi le huda ? Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. C'est quoi le huda ? Na'am. Al-ilm an-nafi'. Al-huda, c'est al-ilm an-nafi'. Wa dinul haqq, c'est quoi ? Al-amal as-salih. Na'am, c'est avec ça qu'a été envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici on trouve après la citation de la, du fait que le Coran, l'exhortation, le Coran, le din, il est venu pour la guérison de ce qu'il y a dans les cœurs. On nous dit wa hudan wa rahmatun lil mu'minin, une guidée, en tant que guidée, et une miséricorde pour les croyants. Dans ça il y a la science et les bonnes actions. La science et les bonnes actions. Tu prends la science et après tu cherches le salut pour ta personne, la pitié pour ta personne en délaissant les péchés et en allant vers Allah Azza wa Jal. Et c'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal a décrit ce qu'il invoque, na'am, et ceux qui ne tombent pas dans fitnatu shubuhat. Au début de suratu Ali Imran, Allah Azza wa Jal nous informe qu'il y a des versets qui sont clairs et compris de tous, et il y a des versets qui sont équivoques, que les gens de science comprennent. Mais que ceux qui ont une maladie au cœur, na'am, eux utilisent la mauvaise escient. Après, on cite la dua des gens pieux, des gens qui restent sur al-manhaj sahih. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Donc qu'est-ce qu'ils demandent ces gens-là? Rabbana la tuzigh qulubana. Oh Allah, n'égare pas nos cœurs. Donc ils demandent quoi? Après que tu nous aies guidés. Donc il demande à se rabattre sur la guidée. Et pour être guidé, il faut quoi ? Hein ? La science. Comment est-ce que tu peux emprunter un chemin en l'ignorant ? Min ladun ka rahma. Amada. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Accorde-nous de ta part une miséricorde, tu es certes le grand donateur. Au début de Sourate Al-Baqara, on nous cite également la science et les actions pieuses. Na'am. Où ça? Na'am. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alif Lam Mim. Dhalika al-kitab la rayba fi. Hudan lil-muttaqin. C'est un livre de ilm. Il a la guide. Pour qui? Pour les gens pieux. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Na'am. Alladhina yu'minuna bil-ghayb. Ensuite, wa yuqimuna as-salat. Ensuite, wa mimma razaqnahum yunfiqun. C'est quoi ça? C'est des actions pieuses du qalb et des membres, avec l'argent, avec le corps. Ça c'est al-ilm an-nafi' wal 'amal as-salih. Le Coran, il est venu pour ça, pour nous réformer. Na'am. Et juste après cette page, on te parle de ceux qui n'ont pas eu ça. Qu'est-ce qu'ils ont eu alors? Fi qulubihim marad. Subhanallah. Na'am. Donc le remède du cœur passe par ces deux choses-là. C'est muhim jiddan de comprendre cela. C'est pour ça que je m'attarde dessus. Et c'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal a fait l'éloge et a défendu son prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant: ma dalla sahibukum wa ma rawa. Il ne s'est ni égaré, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَضِدُّ الضَّلَالِ مَا هُوَ الْهُدَى وَالْهِدَايَةِ. Donc il ne s'est ni égaré, c'est-à-dire qu'il était guidé avec la science et la droiture. وَمَا رَوَى ضِدُّ الْرِوَايَةِ مَا هُوَ الْرُشْدِ. Et الرُشْدِ c'est quoi? C'est emprunter la droiture. طَعَتُ اللَّهَ وَرَسُولِ. نَعَمْ وَمَنْ تُعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدْ. Donc ici on nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas égaré et qu'il ne est-ce qu'il peut me traduire cela? Andaman. Ouais, vous reviendrez inshallah là-haut à la traduction du début de sourate An-Najm. Naam. Regarde Ibrahim. Et c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit les mères des compagnons. Qui sont les mères des compagnons? Abu Bakr. Ensuite Omar. Ensuite Uthman. Et ensuite Ali. Puis après ces quatre là, ce sont qui? Baqiyatu al-mubashirin bil janna al-ashr. Na'am. Tayyib. À leur sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katheeran fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rashidin al-mahdiyyin. C'est-à-dire, celui qui vivra parmi vous verra de nombreuses divergences. Cramponnez-vous donc à ma sunna ainsi qu'à la sunna, ma tradition ainsi qu'à la tradition des califes bien guidés. Comment est-ce qu'on les a décrits? Ar-rashidin al-mahdiyyin. On les a décrits avec quelles caractéristiques? Al-ilm, al-nafi' wa al-amal salih. Donc celui maintenant qui a compris cela méditera beaucoup de textes et il trouvera ces deux choses-là. Donc pour la traduction, le deuxième verset de Sourate An-Najm: votre compagnon ne s'est pas égaré, il n'a pas été induit en erreur. S'il s'agit de quoi? Du passage sur Al-Mi'raj, lorsqu'il y a eu l'ascension et que Kuffar Quraysh ont démenti et tenté de discréditer, comme ça qu'on dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pour cette introduction. Vous voulez qu'on continue ou bien on reporte la suite à jeudi prochain? Naam. On continue? On arrête? Qu'est-ce que tu en penses? On continue? Moi, je dis que tu as appuyé sur le minbar. Non. Donc, je vais demander à quelqu'un qui n'est pas appuyé. Peut-être que tu es appuyé sur le minbar parce que tu as une excuse. Hein. Mais tu es plus à l'aise qu'un autre. Comme moi, par exemple. Non. Comme tu le vois, je suis parfaitement installé. طيب إن شاء الله تعالى نرجي بقية الكلام إلى الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى نرجع donc on poursuivra le ماذا la suite نعم le jeudi prochain بعد العصر إن شاء الله تعالى avec la citation des causes qui dissipent la dureté du cœur أسأل الله الكريم أيمن علينا وعليكم بقلوب سليمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لأمهاتنا اللهم اغفر لأمهاتنا اللهم اغفر لأمهاتنا وارفع درجاتهن في الجنة يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا أكرم الأكرمين والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Il y a de cela quelques jours, j'ai reçu également ces cahiers et ces stylos pour les donner à ceux qui veulent assister au cours et noter, na'am, ce qui leur sera profitable. Donc ceux qui veulent se servir, le fassent. On invoque en faveur de ceux qui dépensent ainsi. Jazakumullahu. خيرا